Chapitre 22e. Il ne s'en tint pas aux renseignements de sa balayeuse, ou tout au moins il voulut les contrôler par lui-même. Il se rendit donc devant la petite porte qui lui avait été indiquée, non la nuit, pour attendre l'arrivée de Madame de Lucilière, mais tout simplement le jour, en curieux, les mains dans les poches, d'un air parfaitement inoffensif et indifférent. L'aspect de cette porte était plein d'innocence. Percée dans la meulière du mur du jardin, elle paraissait du dehors ne servir à aucun usage. Son bois disparaissait même sous une couche épaisse d'affiches de toutes couleurs, collées les unes par-dessus les autres. Seulement, si l'on examinait de près ces affiches, on voyait qu'elles étaient déchirées en dessous du linteau, ce qui prouvait que cette porte, en apparence abandonnée, s'ouvrait quelquefois, bien qu'on ne remarquât ni gond ni serrure. Après avoir constaté l'existence de la porte à l'extérieur, le baron voulut voir où elle donnait à l'intérieur de l'hôtel. Pour cela, il n'y avait qu'à se présenter à une heure à laquelle le colonel n'était pas chez lui. L'examen alors pourrait se faire facilement et tranquillement. Ce fut ce moyen que le baron employa. Quand on lui eut répondu que le colonel était sorti, il annonça l'intention de l'attendre et s'installa dans un salon du rez-de-chaussée où il avait été introduit. Mais il ne resta pas dans ce salon. Ouvrant une porte vitrée qui donnait sur le jardin, il descendit dans ce jardin. Quoi de plus naturel? Chacun savait qu'il aimait les fleurs et les oiseaux à la folie. Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le murmure de la brise dans les feuilles, cela lui rappelait la patrie allemande, qu'il regrettait chaque jour avec des accents non moins poétiques que mignons pensant au pays où fleurit l'oranger. Dans ce Paris où il vivait exilé, il n'avait pas de plus grande joie que de penser à la campagne. Tout en écoutant les moineaux qui se querellaient dans les arbres, tout en respirant la senteur des giroflées, tout en pensant à la campagne et à la patrie allemande, il se livra à son examen. Malheureusement, il ne trouva pas ce qu'il cherchait. En effet, depuis qu'il avait pour la première fois visité le jardin de l'hôtel de Neuf-Saint-Vaux, on avait construit dans ce jardin, le long d'un mur, une longue galerie vitrée, formant une sorte de serre qui allait de l'hôtel à l'endroit même où devait s'ouvrir la petite porte. Il essaya de pénétrer dans cette galerie, mais ce fut inutilement. Plusieurs châssis vitrés étaient entrebâillés, mais les portes étaient fermées intérieurement. Au reste, une visite minutieuse n'était pas nécessaire. La façon dont cette galerie était construite et disposée suffisait pour indiquer l'usage auquel elle servait. Ainsi, au lieu de prendre le mur exposé au midi pour y adosser cette serre, on avait pris le mur exposé au nord. On avait donc voulu tout simplement mettre la petite porte en communication directe avec l'hôtel par un passage abrité. Pendant que le baron était occupé à chercher cette petite porte, et que pour cela il s'était introduit la tête par un des châssis, on lui frappa doucement sur l'épaule. Vivement il se retourna. Le colonel était là. Malgré son aplomb ordinaire, le baron resta un moment sans parole, mais il se remit néanmoins assez vite. « J'examinais cette serre, dit-il, que vous avez fait construire en ces derniers temps, n'est-ce pas, il y a quelques mois. Et je me demandais pourquoi vous l'aviez adossée au nord, car les serres se mettent ordinairement au soleil. » Cela fut dit avec une naïveté parfaite. C'était l'observation d'un ami des jardins, rien de plus. Le colonel se laissa prendre à cette naïveté et le soupçon qu'il avait eu tout d'abord se dissipa. Bientôt il disparut entièrement. « Cette question que je me posais, continua le baron, a été résolue par l'examen un peu attentif auquel je me suis livré. En voyant les camélias qui garnissent cette serre, j'ai compris pourquoi elle était au nord et non au midi. Le camélia exige absolument l'exposition du nord. Voilà comme je suis. Il me faut l'explication des choses, et tant que je ne l'ai pas, je cherche et j'interroge. Mais c'est égal. Vous m'avez fait une belle peur en me posant la main sur l'épaule. Aussi nerveux qu'une faible femme, qui croirait cela en me regardant? Alors vous aimez les camélias? Vous avez bien raison, c'est une fleur superbe que j'adore. Comment se défier d'un homme aussi nerveux qu'une faible femme qui adore les camélias? Après une dissertation très longue sur cette fleur, le baron Lazarus se décida à expliquer sa visite. Elle avait un double objet. D'abord, inviter le colonel à venir passer la journée du samedi rue du Colisée, pour fêter l'anniversaire d'Ida. Ce serait une réunion intime, sans parisiens, composée uniquement de cœurs simples, sensibles aux joies de la famille. Enfin, il s'agissait de demander un service au colonel, une recommandation pressante pour l'Amérique. Le baron était en effet grand demandeur de services, et en cela il se conduisait d'après certains principes de philosophie pratique qui lui avaient toujours réussi. Pour lui, obliger les gens, c'était faire des ingrats, tandis qu'on pouvait au contraire se faire des amis rien qu'en demandant un service aux gens. Et puis, dans le cas présent, c'était un bon moyen pour détruire les derniers soupçons du colonel s'il en gardait encore. Il était assez naïf, ce brave colonel, avec un fond de sentiments chevaleresques tout à fait primitif. Jamais il ne s'imaginerait qu'un homme qui l'obligeait pensait au même moment à le trahir. Et de fait, le colonel ne l'avait pas pensé, et cette visite, qui pour lui avait commencé d'une façon assez inquiétante, s'était au contraire terminée joyeusement. Il avait eu plaisir à obliger le baron. Comment n'être pas sensible aux témoignages de reconnaissance de ce brave homme alors qu'il les prodiguait avec une effusion véritablement si touchante? En affaires, peut-être fallait-il se défier de lui, mais dans la vie privée, c'était assurément le meilleur homme du monde. Maître du secret de Madame de Lucilière et du colonel, il s'agissait pour le baron d'en tirer le meilleur parti possible, c'est-à-dire qui amena sûrement la rupture sans risquer de se compromettre. Ce n'était pas un esprit aventureux que monsieur le baron Lazarus. Il ne faisait rien à la légère, et ne se décidait à une chose qu'après l'avoir étudiée sous toutes ses faces, en pesant le pour et le contre. Le parti auquel il s'arrêta fut tout à fait élémentaire, car il était convaincu, avec juste raison, que les choses les plus simples sont toujours les meilleures. Il consistait dans l'envoi d'une ou plusieurs lettres anonymes. Sans doute, cela était bien vieux, bien usé. Mais il n'avait aucun amour-propre d'inventeur, et en tout cas il ne considérait que le but qu'il poursuivait. Cependant, tout en n'hésitant pas à employer ce moyen démodé, il le fit sien par le choix des personnes auxquelles il se proposa d'envoyer cette lettre, et dans ce choix, il y eut une certaine invention assez originale. L'adresser au marquis de Lucilière, cela était bien vulgaire, bien grossier. D'ailleurs, le marquis pouvait avoir, à l'égard des lettres anonymes, le superbe mépris de certaines personnes, et ne pas lire celle qu'il recevrait. De plus, il pouvait, l'ayant lu, n'y prêter aucune attention. Enfin, il pouvait encore, croyant qu'il était seul à la connaître avec celui qui l'avait écrite, la mettre tout simplement dans sa poche et laisser aller les choses telles qu'elles allaient. Il fallait donc qu'aucune de ces trois hypothèses ne pût se réaliser. Pour cela, le baron ne trouva rien de mieux que de choisir pour destinataire de cette lettre le prince Mazzazzoli d'abord, et ensuite lui-même, baron Lazarus. Arrêté à ce projet, le baron le mit aussitôt à exécution. S'enfermant au verrou de son cabinet, il écrivit de sa plus belle écriture la lettre suivante. « Une personne qui vous porte le plus vif intérêt, ainsi qu'à votre charmante fille, si pleine de vertu, est désolée de vous voir en relation intime avec une femme qui n'est pas digne de la confiance que vous lui témoignez. En conséquence, elle appelle tout particulièrement votre attention sur la conduite de Madame la marquise de Lucilière. Si vous voulez savoir quelle est cette conduite, prenez la peine, un de ces soirs, d'aller vous promener devant le mur qui ferme le jardin de monsieur le colonel Chamberlain sur la rue de Valois. Alors, vous verrez arriver au trot rapide de deux chevaux un coupé noir. De ce coupé descendra une femme enveloppée de vêtements destinés à cacher sa taille et son visage. Devant elle s'ouvrira une petite porte percée dans le mur, et lorsqu'elle sera entrée, cette porte se refermera aussitôt et le coupé s'éloignera. Restez une heure ou deux devant ce mur et vous verrez le coupé revenir. La petite porte s'ouvrira de nouveau et la femme remontera en voiture. Cette femme est la marquise de Lucilière, sortant des bras du colonel Chamberlain, son amant. Si vous ne pouvez pas la reconnaître, suivez le coupé et vous le verrez bientôt entrer à l'hôtel de Lucilière. Si vous voulez savoir où donne la petite porte de la rue de Valois, profitez de vos relations avec monsieur le colonel Chamberlain pour vous promener dans la nouvelle serre ou, plus justement, la galerie qu'il vient de faire construire, et vous découvrirez, en cherchant bien, l'ouverture de cette porte. Alors, vous serez au courant de tout ce manège, et le but que poursuit la personne qui vous écrit cette lettre sera atteint. L'ami dévoué de votre fille. Le baron eut trouvé facilement chez lui à faire copier cette lettre, mais il ne rentrait pas dans son système de se confier à ceux qui, à la rigueur, pouvaient le trahir. Mettant son brouillon dans sa poche, il s'en alla donc dans le faubourg Saint-Denis, où, aux environs de la maison de santé, il avait remarqué l'échoppe d'un écrivain public. « Veuillez me faire deux copies de cette lettre, dit-il. Dans l'une, vous remplacerez fille par nièce, Voilà les seuls changements à faire. » Puis il s'installa dans les chopes et attendit. La lettre copiée en deux exemplaires, il alla chez un autre écrivain public à côté de la barrière et lui fit écrire simplement deux adresses, sur l'une, Monsieur le prince Mazzazzoli, rond-point des Champs-Élysées, et sur l'autre, Monsieur le baron Lazarus, rue du Colisée. Alors, prenant une voiture qui passait devant la porte, il alla mettre ces deux lettres à la poste dans le faubourg Saint-Jacques. Et bien certain d'avoir ainsi rendu les recherches difficiles, si on en tentait, il rentra chez lui avec la satisfaction d'avoir bien employé sa journée. Aussi embrassa-t-il sa chérie Ida tendrement, longuement, en la pressant dans ses bras émus. Il était un bon père. « Tu sais, dit-il, que nous aurons le colonel Chamberlain samedi. Sois donc un peu plus aimable avec lui. Je te trouve bien froide depuis quelque temps. » « À quoi bon être aimable pour le colonel? Il ne voit rien. Il a toujours l'air de marcher dans son rêve. Son esprit n'est jamais à ce qu'il dit. J'ai tout lieu de croire que cela va changer. D'ailleurs, il suffit qu'il soit notre hôte pour que tu oublies ses distractions. » Le soir même, le baron reçut la lettre qu'il avait été mettre à la poste dans le faubourg Saint-Jacques. C'était un mercredi, jour d'opéra de la marquise, on donnait la favorite. Le baron se rendit au théâtre après avoir soigneusement placé sa lettre dans son portefeuille. À 8h30, le marquis et la marquise firent leur entrée dans leur loge, où un quart d'heure après, le colonel vint leur faire une visite. Puis il disparut, sans que le baron le revît dans la salle. À 10h environ, la marquise sortit avec le marquis, puis quelques minutes après, celui-ci rentra seul dans la loge. C'était le moment que le baron Lazarus attendait pour agir. Il entra dans la loge, après s'être arrêté un moment devant une glace pour se faire une tête, il paraissait accablé, écrasé. Toujours attentif au devoir de la politesse, le marquis de Lucilière s'empressa de lui demander ce qu'il avait. Ida était-elle malade? « Je ne serai pas ici, » dit le baron avec un profond soupir. « Ah, c'est juste, mais alors ?» Alors la chose était tellement affreuse que le baron n'osait en parler. « Il est ruiné, » se dit le marquis, qui eut peur d'un emprunt et regarda la scène avec un intérêt subi. Voyant que le marquis ne l'interrogeait plus, le baron recouvra la parole. « C'est pour vous que je suis monté, » dit-il en baissant la voix. Le marquis parut ne pas entendre. « Pour vous, » continua le baron, « et voilà pourquoi. » J'ai entendu le départ de madame la marquise, car ce que j'ai à vous dire, si toutefois je puis le dire, demande à n'être entendu de personne. » Le baron avait compté sur la curiosité de monsieur de Lucilière, et il avait espéré que celui-ci l'aiderait par quelques questions qui faciliteraient sa tâche. Mais il n'en fut rien. Monsieur de Lucilière demeura impassible. Il lui fallut donc continuer quand même. « Vous savez, dit-il, l'estime que je professe pour vous et combien, en ces derniers temps, les liens d'amitié qui m'attachent à vous, ainsi qu'à madame la marquise, se sont trouvés resserrés. » Cette fois, le marquis laissa paraître une certaine curiosité dans le regard qu'il attacha sur le baron. Évidemment, il était surpris de la tournure que prenait l'entretien. Que signifiait ce langage décousu? Quelle était la cause de cette émotion? Cependant, il n'adressa pas de questions au baron. Mais, abandonnant la scène, il se tourna entièrement de son côté. « Si je vous parle de mon amitié, » continua le baron, « c'est pour vous faire comprendre combien profondément j'étais bouleversé en recevant, il y a quelques heures, une lettre dans laquelle il était question de madame la marquise. » Ces paroles étaient adroitement arrangées pour surexciter l'intérêt de monsieur de Lucilière. Cependant, elles semblèrent provoquer un résultat contraire. Les yeux du marquis qui s'étaient allumés s'éteignirent. « Il s'agit de choses tellement graves dans cette lettre, » poursuivit le baron. « Les accusations qu'elle formule sont tellement horribles que tout d'abord, en la lisant, je me suis demandé si je devais vous la communiquer. Et depuis ce moment, j'ai changé 10 fois de résolution, tantôt décidé à ne vous en rien dire, tantôt au contraire décidé à la remettre entre vos mains. » Le baron attendit un moment, pensant que M. de Lucilière allait allonger le bras pour demander cette lettre. Mais le marquis ne bougea pas. Sa main resta posée sur le bord de la loge et ses yeux continuèrent de regarder dans le vague. Il fallait continuer, et le baron commençait à se trouver assez embarrassé. « J'ignore, » dit-il, « si les moralistes ont examiné la question de savoir si l'on doit ou si l'on ne doit pas communiquer à son ami une mauvaise nouvelle ou une accusation. alors même qu'on la croit fausse. Mais j'aurais bien voulu avoir leur opinion sur ce sujet. En tout cas, je voudrais bien avoir la vôtre. Je n'en ai point. Supposez que vous avez reçu une lettre me concernant et contenant contre moi une accusation grave. Que feriez-vous ? Le marquis hésita quelques secondes, enfin il se décida à répondre. Je n'aurais rien à faire car je n'aurais pas été plus loin que le premier mot. En voyant de quoi il s'agissait, j'aurais jeté la lettre au feu. Le baron n'avait pas prévu cette réponse qui le déroute à un moment, mais bien vite il se remit. « Voilà le diable, » dit-il, « c'est que, ne pensant pas à mal, voyant au contraire des protestations d'intérêt pour moi et pour ma chère fille, j'ai lu cette maudite lettre jusqu'au bout. Et voilà comment j'ai eu connaissance des ignobles calomnies portées contre madame la marquise qu'on accuse d'être la maîtresse de monsieur le colonel Chamberlain. » Autant le baron avait mis de lenteur dans ses premières paroles, autant il débita rapidement les dernières. En même temps, il tendit la lettre dépliée devant les yeux du marquis. Pendant ce temps, les seigneurs de la cour du roi Alphonse chantaient le chœur du quatrième acte. Qu'il reste seul, avec son déshonneur. Le visage du marquis se décolora entièrement, et ses lèvres se tordirent dans une contraction violente. Instinctivement, le baron ramena son bras gauche devant lui comme pour s'en couvrir, tandis que le droit demeurait toujours étendu. Enfin, le marquis allongea la main et prit la lettre. Il la lut lentement, puis quand il l'eut achevée, il la lut une seconde fois. Qu'allait-il dire ? Il la plia et la rendant au baron avec un calme parfait. « Savez-vous où est en ce moment, madame de Lucilière ? » dit-il. « Chez elle. J'en ferai le serment. Car vous pensez bien que je n'ai pas ajouté foi une seconde à ces abominations et que... Non, elle n'est pas chez elle. » Interrompit le marquis. « Elle est chez madame de Courcy, sa mère, où je dois la reprendre en sortant du club. »« Ah, mon ami !» s'écria le baron. « Quelle abomination, quelle perfidie ! Mais pourquoi m'avoir écrit cette lettre à moi ?»« Parce qu'on connaissait votre profonde honnêteté, » dit le marquis, « et qu'on était bien certain, partant de cette connaissance, que vous me la communiqueriez. Vous pensez ? Assurément ! Et cette tactique me dit qui a écrit cette lettre, ou tout au moins qui l'a fait écrire. » Vous auriez des soupçons. Oh, voilà qui serait heureux. Mieux que des soupçons, une certitude. Vraiment ? Bien que le baron ait prononcé ce mot avec l'accent de la joie, il était cependant très anxieux. Cette lettre, continua le marquis, est une manœuvre possible de la part de deux de mes rivaux. Probable de la part d'un que je ne veux pas nommer. On trouve que mon association avec le colonel Chamberlain rend mon écurie trop formidable. On a peur de nous. Et voilà à quel moyen on descend pour rompre notre association. Quelle infamie ! Je vois clair dans ce jeu, et ne donnerai point à mes concurrents la satisfaction qu'ils espèrent. Le colonel n'est pas seulement mon associé, c'est encore, c'est avant tout, mon ami. Et je sais quelle confiance on peut avoir en lui. Le baron paraissait accablé, et de fait il l'était. « Vous savez, » dit-il après un moment de silence, « si j'aime Paris et la France. » Eh bien, quand je vois de pareilles infamies, je n'ai plus qu'une pensée, c'est de me sauver en Allemagne, où, Dieu merci, de pareils crimes sont inconnus. »